Chapitre 18e, la fuite. L'embarquement se fit promptement. Maresco fut descendu comme un ballot à l'aide d'un cordage et placé au fond d'une barque. La jeune Sco, qu'on avait laissée libre, s'assit près de lui. Pedro Diaz alla se poster à côté du lynx des prairies dont la pirogue marchait en tête de la petite flottille. La barque, qui contenait les captifs, occupait le centre de la ligne des embarcations, qui ne tardèrent pas à se mettre en mouvement. On sortit de l'anse au crabe et on longea le littoral pendant un espace de 2 000 environ. On était arrivé à l'embouchure d'une petite rivière ni large ni rapide, mais d'une profondeur suffisante pour porter les pirogues. Rien qui mérite d'être signalé n'eut lieu pendant cette première journée. La nuit tombait quand la flottille arriva dans un pays découvert. Sur les deux rives s'étendaient d'interminables marécages. « Allons-nous continuer notre voyage pendant la nuit ?» demanda Pedro Diaz au chef des ports rouges. « Nous ne nous arrêterons pas, » répondit le lynx des prairies. « Ceux de nos guerriers qui ont pagayé durant le jour se reposeront et leurs compagnons les remplaceront. »« Très bien, chef, » répliqua le Texien. « Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai moi-même quelques heures de repos. »« Mon frère peut dormir tranquille, je veillerai. » Peu à peu, la nuit complète était venue, et quoiqu'il n'y eût pas de lune, le ciel était si pur que les clartés sidérales suffisaient pour guider les embarcations qui remontaient lentement le courant. Pedro Diaz s'était enroulé dans une couverture et ne tarda pas à s'endormir profondément. Le silence de la nuit n'était troublé que par le bruit des rames qui frappaient l'eau en cadence et formaient une sorte de musique endormante. Les prisonniers, depuis leur départ, n'avaient échangé aucune parole. La jeune Sco était demeurée toujours assise près de Maresco. Cependant, un froid piquant, bien qu'on ne fût pas encore dans la maison hivernale, était survenu avec la nuit. Maresco grelottait. L'Indienne s'en aperçut, elle détacha son manteau et l'en couvrit. « Garde-le, » lui dit le bandit, « je suis un homme et je supporterai le froid mieux que toi. »« Moi, j'ai la liberté de mes mouvements, » répondit-elle. Elle ne voulut point reprendre son manteau. Un des rameurs qui avait entendu l'entretien prit sa peau de bison et la mit sur l'épaule de la gazelle. Les heures de la nuit parurent bien longues aux deux captifs. Vers le matin, le froid devint plus vif et la fille du lynx des prairies s'étendit sur une natte auprès de Maresco. Les rameurs le remarquèrent. Mais comme ils n'avaient pas reçu d'ordre pour empêcher ce rapprochement, ils ne s'y opposèrent point. L'Indienne et Maresco se trouvant, pour ainsi dire, bouche contre oreille, purent s'entretenir à voix basse et, pour plus de sûreté, se parlèrent en français. « Eh bien, » dit Maresco, « il est temps de songer à filer d'ici. »« Et comment ?» répondit sa compagne. « Ce n'est pas cette nuit que la chose doit avoir lieu, car nous sommes entourés de marécages dans lesquels nous trouverions une mort infaillible. Attendons que nous traversions un endroit plus favorable. Lorsque le montant sera venu, tu te placeras à côté de moi comme maintenant et tu me débarrasseras de mes liens. Ce sera facile, j'ai un couteau sur moi. Quand j'aurai les mains libres, je me servirai du même couteau pour trouver le fond de la pirogue, et cela sans peine, la pirogue étant faite avec des planchettes d'arbres. Elle s'emplira d'eau à l'instant même, et comme nos gardiens songeront avant tout à préserver leur peau, nous profiterons du désarroi général pour nous sauver à la nage. Mais, répliqua l'Indienne, les autres embarcations se mettront à notre poursuite et nous couperont la retraite. Tout cela dépendra du temps qu'il fera. Si la pluie vient à tomber, ou si seulement de gros nuages se montrent, nous avons chance d'échapper. La conversation s'arrêta là. Maresco et la jeune femme, réchauffées par leur couverture, s'endormirent bientôt. Il faisait grand jour lorsqu'ils s'éveillèrent. Le rio, devenu un peu plus rapide, coulait entre deux rochers à pic et les rameurs avaient peine à le remonter. « Il est temps de nous arrêter, » dit le lynx des prairies à Pedro Diaz. « Mes guerriers, qui n'ont pris aucune nourriture depuis hier, sont exténués et ils ont besoin de refaire leurs forces. »« Bien pensé, chef, » répondit le Texien. « Mais je me demande avec quoi nous déjeunerons. Si encore nous étions dans une forêt giboyeuse, nous pourrions partir en chasse et tâcher de tuer un bison. » Mon frère, qui a pratiqué longtemps la vie du désert, semble l'avoir désapprise, répliqua le port rouge. Sinon, il se rappellerait que les hommes de ma couleur sont prévoyants. Chaque fois qu'ils ont une longue expédition à faire, ils emportent avec eux des provisions de chair desséchée et toutes nos pirogues en sont pourvues. Nous nous arrêterons là-bas, au coude que fait la rivière. Il y a là quelques arbustes auxquels nous pourrons attacher nos embarcations. Je pense que vous n'oublierez pas le prisonnier, repartit Pedro Diaz. « Si vous voulez le conserver vivant, il est nécessaire de ne pas le soumettre à un trop long jeûne. On lui donnera des vivres. »« Fort bien, mais comment pourra-t-il les porter à sa bouche, ficelé comme il l'est ? On lui délivrera les mains. »« Peu de temps après, la flottille atteignit l'endroit désigné par le chef pour la halte. Il donna un signal et aussitôt les barques furent amarrées. Des viandes desséchées furent sorties des sacs en pot. Et le repas commença. Repas frugal, qui fut arrosé par l'eau de la rivière. Ainsi que le lynx des prairies l'avait annoncé, Marescot eut les mains déliées de leurs entraves et il s'empressa de faire honneur à la cuisine primitive des Ports-Rouges. La gazelle suivit son exemple. Elle voulait acquérir les forces nécessaires pour affronter les dangers de la nuit prochaine. Les rameurs, après 3 heures de repos, reprirent leur pagaie et le voyage continua. Couché au fond de sa barque, l'ancien chef des compagnons de l'Arche regardait le ciel et étudiait la direction des vents. Ce fut avec une vraie satisfaction qu'il reconnut qu'un changement atmosphérique notable s'opérait. Le vent avait tourné au nord et de gros nuages plombés envahissaient peu à peu la voûte céleste. « Nous aurons une nuit noire comme le fond d'un four éteint, » pensait-il, « plus où neige est imminente, un temps propice pour une évasion. » Ces prévisions ne tardèrent pas à se vérifier. Les vapeurs s'étaient condensées et le soleil, au moment de se coucher, avait une couleur cuivrée. Le paysage semblait comme incendié. « Le ciel de feu est vraiment superbe, » dit Pedro Diaz, qui, pour abréger la longueur des heures, fumait dans le calumet du chef. « C'est la neige qui s'avance, » répondit le lynx des prairies. « L'hiver commencera plus tôt que d'ordinaire cette année. »« Comment déjà la neige ?» répliqua le Texien. « Mais nous ne sommes qu'en septembre. J'ai vu des signes qui ne trompent jamais. Des bandes d'oiseaux voyageurs se dirigent du nord vers le sud. Ce serait fâcheux, car nous aurions un temps affreux pour achever notre expédition. Les eaux sont encore basses, et avant 2 jours, nous serons en campement. Demain, nous aurons des chevaux qui tireront nos pirogues et nous marcherons bien plus vite. Mais, observa le Texien, je n'aperçois aucun chemin de halage. Demain, la forêt que nous côtoyons sera dépassée, repartit le Port-Rouge, et le rio coulera entre 2 berges de prairies. Il en est une très praticable pour les chevaux. La nuit était venue, une nuit noire et opaque. Pedro Diaz crut devoir manifester ses appréhensions, bien fondées d'ailleurs. « Diable, dit-il, par les ténèbres qui nous enveloppent de tous les côtés, nous courons grand risque de nous briser sur quelques rochers. Un chahut en hiver égoutte au milieu de cette bouteille d'encre. « Mes guerriers ont la sagesse qui prévoit tout, » répondit le lynx des prairies. « Le feu remplacera le soleil. » Après avoir prononcé ces paroles, il donna un coup de sifflet bizarrement modulé. « Que veut dire ce signal ?» demanda le Texien, fortement intrigué. « C'est l'ordre d'allumer les torches dont chaque barque est pourvue, » répondit le Port-Rouge. Quelques minutes plus tard, une torche de bois résineux était fixée à la proue de chacune des pirogues et répercutait sa clarté sur les eaux de la rivière. Cette illumination avait quelque chose de fantastique et d'effrayant tout à la fois. Les eaux rougies présentaient l'aspect d'un fleuve de sang. Bientôt la neige se mit à tomber, à petits flocons d'abord, puis à flocons pressés. Ensuite le vent s'éleva. Une véritable tourmente commença. Les pirogues avançaient toujours, mais leur marche devenait plus lente. La neige, qui s'était rapidement amoncelée, formait comme un linceul blanc sur le bord des rives. Marescot et l'Indienne, couchés l'un près de l'autre dans le fond de leur barque, semblaient dormir d'un profond sommeil. Leur immobilité n'était que feinte. « Voici le moment venu, » murmure l'ancien chef des compagnons de l'Arche. « Coupe mes liens !» Cet ordre fut immédiatement exécuté. « Maintenant, passe-moi ton couteau, je vais trouver la pirogue, et tiens-toi prête à t'élancer en même temps que moi dans la rivière. Nous nagerons vers la rive droite, c'est de ce côté que sont situés les comptoirs de la compagnie de la baie de Hudson. Si nous parvenons à les atteindre, notre salut est assuré. » « Je suis prête, » répondit la jeune femme. Un quart d'heure plus tard, la barque qui renfermait les captifs s'enfonça subitement dans l'eau. Puis on vit, à la lueur des torches placées à la proue des autres barques, des points noirs qui s'agitaient dans la rivière. « Qu'arrive-t-il, chef ?» demanda au lynx des prairies Pedro Diaz qui avait remarqué cet étrange incident. « Mon ennemi qui s'enfuit, » répondit le Port-Rouge, sans sortir de son impassibilité habituelle. « Abordez à droite » cria-t-il au rameur des autres pirogues. Les rameurs s'empressèrent d'obéir et l'on ne tarda pas à gagner la rive droite indiquée. Lorsque les embarcations eurent été amarrées à l'aide des pieux fixés en terre, le chef réunit ses guerriers autour de lui. « Notre prisonnier se croit libre, mais il ne peut nous échapper. La neige qui est tombée sera comme un livre et nous y verrons ses traces. Que chacun prenne une torche et que la chasse commence. » Les ordres du lynx des prairies furent rapidement exécutés et tout le long du rivage, on vit courir des ombres noires éclairées par les torches de résine. Au bout de quelques instants, un cri se fit entendre. Pedro Diaz, qui marchait à côté du chef, lui demanda ce que signifiait ce cri. « Il m'annonce que nos guerriers ont retrouvé la piste des fugitifs, » répondit le Peau-Rouge. « Avant que le soleil ne se lève, ils seront entre nos mains. »